J'accuse. J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable. Le 26 avril prochain. En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose. C'était à la une. La justice, 23 mai 1894. La guillotine, par Georges Clémenceau. Quelqu'un me dit, il faut que vous voyez ça pour en pouvoir parler à ceux qui trouvent que c'est bien. J'hésitais, cherchant des prétextes. Et puis, brusquement, je me décide. Partons. Toutes les rues aboutissant à la place de la Roquette sont barrées. La place est occupée militairement. Il y a là 1000 hommes. C'est beaucoup pour en tuer un seul. Devant la porte de la Roquette, nouvelle barrière pour les personnes munies de cartes. Il y a bien là une 60aine de journalistes. Les sergents de ville passent la cigarette ou la pipe à la bouche. Tout le monde fume. On cause à mi-voix. L'attitude est plutôt recueillie. J'ai mal vu M. Day Blair, un petit vieux qui traîne la jambe. Étais-je prévenu ? Il m'a paru gauche, oblique et sournois. Un de ses aides, un jeune blond, gras, frais et rose, faisait contraste avec lui. On monte le couteau, qu'on fait glisser dans sa rainure. On installe la bascule qu'on fait jouer. M. Day Blair en personne place le baquet pour la tête et l'enveloppe d'une sorte de petit paravent de bois qui arrêtera l'éclaboussure du sang. Le panier pour le corps gît tout ouvert à côté de la bascule, près du fourgon à destination du cimetière d'Ivry. Tout est prêt. La machine attend. Émile Henry paraît, conduit, poussé par l'équipe du bourreau. Quelque chose comme une vision du Christ de Munkaxi, avec son air fou, sa face affreusement pâle, semée de poils rouges et rares et tourmentés. Malgré tout, l'expression est encore implacable. Le visage blême m'aveugle. Je suis hors d'état de voir autre chose. Il jette un regard circulaire et, dans un rictus horrible, d'une voix rauque mais forte, lance convulsivement ces mots « Courage, camarades, vive l'anarchie !» Le corps sans résistance est poussé sur la bascule qui glisse. Tout ceci violent, précipité comme dans une apparition. Ici un temps d'arrêt, bref sans doute, mais pour moi, démesuré. Quelque chose n'était pas au gré de M. Day Blair. Il se penche, allonge le bras, semble hésiter. Cela semble inexplicablement long, car Henri, maintenu sur la planche, le cou sous la lunette, attend. Enfin, le bourreau se relève et se décide. Un bruit sourd comme d'une masse qui écrase et broie. C'est fait. L'horreur de l'ignoble drame m'envahit alors et m'étreint. Je sens en moi l'inexprimable dégoût de cette tuerie administrative, faite sans conviction par des fonctionnaires corrects. Le crime d'Henri me paraît odieux. Je ne lui cherche pas d'excuses. L'acte de la société m'apparaît comme une base vengeance. Que des barbares aient des mœurs barbares, c'est affreux, mais cela s'explique. Mais que des civilisés irréprochables et qui ont reçu la plus haute culture ne se contentent pas de mettre le criminel hors d'état de nuire et qu'ils s'acharnent vertueusement à couper un homme en deux, voilà ce qu'on ne peut expliquer que par une régression atavique vers la barbarie primitive. Voilà ce que je rapporte de la place de la Roquette. J'ai raconté ce que j'ai vu, sans rien dramatiser, le simple récit des faits me paraissant supérieur en émotion vraie à tout artifice d'art. Que les partisans de la peine de mort aillent, s'ils l'osent, renifler le sang de la Roquette. Nous causerons après.